l'armée de Philippe le Bel, qui avait expulsé les siens, tout ça parce qu'ils étaient juifs. Il s'inscrit aux Illuminati afin de conspirer contre le peuple français depuis sa boutique de pantalons à Toulouse. Ses journées consistaient ainsi à spéculer sur le blé et à faire de l'ingénierie sociale sur TikTok afin de diviser pour mieux régner. Un jour, alors qu'il attendait le train pour aller à Auschwitz, son attention se porta sur une pièce de 50 centimes qui roulait au sol, tombée de la poche d'un quelconque goy, passablement distrait par un cul de négresse. La pièce roula hors de sa vue avec telle impétuosité que Jacob perdit sa kippa en se hâtant subitement pour la rattraper. Elle traversa villes et champs, tandis que l'élu désemparé perdait son souffle. Et ce fut finalement dans le nid de poule d'un boulevard marseillais que la course folle de la pièce de 50 centimes s'acheva. La phocéenne sceptique était lugubre en ce soir d'Halloween, de telle sorte que lorsque le sémite exténué parvint avec grand joie à enfin ramasser ses agios de la Shoah, en se frottant les mains comme dans les mêmes antisémites, un camion pizza l'écrasa par inadvertance, non sans avoir klaxonné le hors-vaisselle libre au préalable. Juif décéda, et le monde entier observa immédiatement une minute de silence. Le camion pizza fut condamné pour crime.